pas les majors friands des petites carrières. Les médias s'approprient notre culture urbaine. La culture française elle est morte, j'ai mis dans la peine. Avec les lois, les flics et là y'a le pen. Là dont le fisc et la double peine. On peut pas me changer, c'est comme raser Ben Laden. J'narrate ce que je vois, ce que je vis, je touche à tout d'aide. Je lutte pour qu'on m'écoute pas, pour qu'on me suce le gay. Les jours où je tourne ma veste, moi-même je me coupe les veines. Un résistant, résistant, résistant. Un résistant. Je démarre au cri sans stress, pas mes